rebelle, évidemment, prendre part à la fête. Je dois retrouver mes amis pour le départ. Mais avant tout cela, faudrait que je m'apprête. Pour me préparer, j'ai sorti la veste au costard. Il faut casser le sucre, ça sera jean basket. C'est bon, je suis paré, les minuit, il n'est pas trop tard. On dans la voiture direct sur la discothèque. J'ai 5 notices, je mènerai l'électro denso. La montre pour les potes, nous fait faire le contrôle. En attendant dans la voiture, chacun son rôle. Y'a celui qui conduit, celui qui bouge les épaules. Y'a du bon son qui passe à la radio. Tu ne fais pas non, ça c'est trop chaud. Pour tous les cas, je kiffe le tempo. C'est pour cela que je dis à mon poteau. D'attendre là je me stoppe. J'ai la carte VIP, je n'en ai rien à faire. Ne compte pas devant tout le monde et là je trouve que c'est top. Passe par le bar pour se mettre dans l'ambiance. Un vodka jet, ça c'est d'art, coupe top. Sur la piste, les fenêtres sont déjà en transe. D'où je suis, je vois que tout le monde danse. Mais nous, on s'en fout, on fait chaud. On veut du son, tu mets la gomme. Ouais, on s'en fout, on fait chaud. On vient se la donner comme personne. Nous on n'est pas prêts de s'arrêter. On va bouger toute la soirée. Tout ce que rien peut nous stopper, c'est pour cela que l'on crie au DJ. Attention! C'est là que les mecs font. C'est là que les mecs font. Plus fort. C'est là que les mecs font.